Que dirais-tu d'en finir? Ou décider à mourir? Serais-tu d'accord? Nous retrouver dans la mort? Laisse-moi te conduire. Pourquoi s'évertuer encore? Nous devons maintenant en finir. Ne vois-tu pas, il y a la mort. Ne crois donc pas t'en sortir. Tout le monde se doit de mourir. Pourquoi veux-tu attendre? Mieux vaut encore se prendre. Pourquoi veux-tu attendre? Mieux vaut encore se prendre.